Monsieur Davin pour ton parole, ça même c'est plus qu'un parabole. Thomas Sauvin très charmant, point pas de supposé s'il t'amusant. Quand je dis soi, il était très tapointé, chitant, tape, je quitte. Quand quand c'est un esprit d'auto, ponte sa vie, dit qu'on Tomaso. Alain, un bel ticoté, mais oui, monsieur, c'est Tomaso. Si on change la blague, mais tout ça, y a-t-il, il faut l'accepter. Moi, pas vine, faire vieillot, moi, pas mon Tomaso. Davin pour ton parole, ça même c'est plus qu'un parabole. Thomas Sauvin très charmant, point pas de supposé s'il t'amusant. Quand je dis soit, il était très tapointé, chitant, tape, je quitte. Quand quand c'est un esprit d'auto, pour te s'habiller, dit qu'on Tomaso. A la nouvelle, dit côté, mais oui, monsieur, c'est Tomaso. Si on change, j'en vais répéter, tout ça, j'en dis, il faut l'accepter. Mwen pa vin fè vyezo, mwen pa moun Tomaso, mwen pa l mariye Tomaso, mwen moun Tomaso Tomaso, yo pa remezo Tomaso, Tomaso Tomaso, mwen fè vyezo Tomaso, mwen moun Tomaso Tomaso, yo pa remezo Tomaso, mwen Tomaso Tomaso, mwen fè vyezo Tomaso, wa Tomaso Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Tomaso.